quand on entend parler du déterminisme génétique ou du déterminisme biologique en général, on a tendance à croire à une fatalité. Alors que, en fait, le déterminisme, au sens le plus étroit du terme, c'est juste l'idée qu'il y a quelque chose comme une cause. En fait, quand on parle de déterminisme génétique, si on est un petit peu rigoureux sur le sens des mots, on dira juste que, quelque part, causalement, les gènes sont impliqués. Mais c'est pas plus que ça. Et en fait, dans l'idée d'un déterminisme, il n'y a pas du tout l'idée d'une fatalité. La fatalité, conceptuellement, ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Alors que, on a beau être biologiquement déterminé à manifester certaines caractéristiques, on peut toujours envisager qu'il y ait des voies de garage ou des voies qui vont faire que, en fait, le déterminisme présupposé ne va pas être suivi et qu'en fait, il y aura un autre résultat. Et il me semble que ce que disait Frédéric à l'instant va très bien avec ça quand on dit que les gènes vont coder pour des protéines qui elles-mêmes vont agir dans un certain tissu ou dans un certain organe, par exemple dans le cerveau, que le cerveau éventuellement va donner lieu à certains états mentaux qui vont nous déterminer à certains comportements. Et en fait, à chaque niveau d'explication, on a un embranchement possible. Et quand on parle de déterminisme génétique, enfin, s'il y a une fatalité génétique, à la limite, ce sera à l'intérieur de la cellule pour coder les protéines. Mais ensuite, l'effet des protéines à long terme, par exemple sur nos comportements, par exemple sur des comportements violents, par exemple sur des comportements particulièrement colériques ou des dépressions, eh ben, on ne peut pas relier directement, causalement, les gènes au comportement total.